On va parler de football avec notre ami Tony Guzzo du site internet leblitznfl.com. Salut Tony! Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Tony, ça revenait un petit peu la semaine passée, les matchs la semaine passée. Moi, écoute, je vais cette année, je vais regarder un peu plus les Cowboys et Dallas parce que je les avais favorisés pour aller au Super Bowl. Donc, c'est une position audacieuse. Ils sont revenus de l'arrière la semaine passée, hein? Grosse remontée spectaculaire et même historique. Puis c'est malheureux pour un jeu stupide aussi, le fameux onside kick, là. Mais en tout cas, tu devais être un peu soulagé parce que. Ça avait mal été 0-2 pour aller au Super Bowl. Là. Ça commence mal. Là. Exactement. Ça commence très mal comme prédiction. Mais là, en tout cas, une victoire cette semaine, une victoire la semaine passée. Donc, ça va être. Mettons que ça va les aider davantage. Et t'avais prédit, Mais Danny, ça démontre aussi, tu sais, on parle de la remontée des Cowboys, mais c'est vraiment chaotique pour les Falcons, hein? Ah, regarde, c'est... Depuis le Super Bowl, là, je pense que c'est chaotique, hein? Oui, tout à fait, tout à fait. Depuis ce fameux match-là, là, donc... Oui, puis c'est drôle parce que pendant le match, il disait « Oh boy, est-ce que Mike McCarthy fait l'affaire déjà? » Fait qu'il était déjà scruté à la loupe. Puis là, suite à la victoire des Cowboys, ben là, c'est Dan Quinn qui est un peu sous le siège éjectable suite à cette défaite-là. Oui, effectivement. Donc, et comme tu avais prédit, beaucoup de blessures dans la NFL. Oui. C'est les 49ers, je pense, qui goûtent le plus à date. Oui, c'est eux qui sont le plus blessés. Même Garoppolo, ils ont perdu Bosa. C'est Marlon aussi, le poste de corps cette semaine. Exactement, Bosa qui est fini pour l'année, t'as Mostert, là, c'est incroyable, puis en tout cas, tu vois même la frustration des joueurs quand ils sont blessés, comme quoi que, mais c'est drôle, dans leur phase, dans leur réaction, c'est des joueurs qui veulent pas jouer en pré-saison, mais t'as besoin de ça, t'sais. Effectivement, là, on est en direct, puis mon chien jappe, c'est ça la boucle. C'est de la radio en direct, donc c'est que veux-tu. On n'est pas dans les studios de radio, malheureusement. Il y a des comportements qu'on n'est pas capable de... C'est comme un auditoire virtuel, hein? Ah oui, c'est pareil. Donc, on va surveiller ça de très, très près. Bon, en fin de semaine, il y a plusieurs bons matchs en fin de semaine. Ah oui. Et le classique, le plus gros match, j'en rêve déjà... Lundi soir, Chiefs-Ravens sur TSN et sur... Ben moi, j'ai ESPN. Quand t'as ESPN, tu regardes pas TSN. Donc, c'est sur ESPN et RDS. Donc, voilà. Exactement. Ouais. Exactement, Danny. C'est une grosse semaine de football. Mon collègue, si vous allez sur notre site, leblitznfl.com, mon collègue maraudeur... Il a dit, tu sais, des fois, la première semaine, les finales de division en janvier, là, c'est une des week-ends le plus intéressants, mais cette semaine, c'est incroyable. On parle d'à peu près 9 matchs sur 16 qui sont très intéressants à surveiller. Et comme tu dis, le match de la semaine, en plus, c'est un lundi soir. C'est les Chiefs puis les Ravens. Incroyable, deux anciens, deux MVP, je pense que c'est les deux plus jeunes MVP de l'histoire à s'affronter. Rappelle-moi, j'ai fait mon top 5, je ne sais pas si tu l'as vu passer cette semaine, des QB. Des corps arrière, oui. Et écoute, c'est pas très dur à faire en passant. Là. Non. C'est pas très très dur à faire. Étais-tu d'accord avec ça? Je vais le dire pour les gens qui ne le savent pas, mon QB, c'est tellement facile, là. C'est actuellement Pat Mahomes, c'est premier. Lamar Jackson, deuxième. Russell Wilson, troisième. J'ai mis Aaron Rodgers, quatrième. Et Drew Brees, cinquième. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que Russell Wilson, la semaine passée, a dit que c'était le meilleur carrière de la NFL actuellement. Ce que j'en doute. Il est très, très, très, très bon. Mais il est dans le top 5. Mais. En fin de semaine, ouais. J'ai bien aimé ton top 5, mais j'ai encore des doutes sur Lamar Jackson, encore, parce que là, on le voit, cette année, il travaille beaucoup encore sur les passes, donc il veut balancer ça. On l'a pas vu encore dans un gros match pendant les séries de voir qu'est-ce qu'il y en est. Il y a beaucoup de pression cette année parce que on pense que les Ravens devraient se rendre à la finale de conférence justement contre les Chiefs. Pat Mahomes, oui, c'est le meilleur. Wilson, il mérite un, il mérite un MVP, un joueur le plus utile éventuellement. C'est un gars qui traîne sur ses épaules toute l'équipe à chaque année. Et cette année, on voit encore en plus, parce que là, qu'est-ce qu'ils disent des gens, c'est que finalement, on donne le ballon à Russell Wilson pour faire un peu plus de passes et non de jouer par la course. Donc, c'est pour le préserver, hein, parce que l'histoire. Exactement, puis parce que c'est, il a été pas mal, il y a eu beaucoup de sacs de corps depuis les dernières années. Ouais, Puis effectivement. là, on lui donne la chance dans la pochette, heureusement. Moi, j'adore ton classement. On n'a qu'à bouger avec les titres, mais en ce moment, oui, Pat Mahomes est le meilleur. Lamar Jackson, je pense que ça va être son gros test lundi soir, mais il y a une équipe, je te dirais, dans les deux équipes en ce moment, les Ravens, je trouve qu'ils ont une meilleure défensive, une meilleure unité spéciale. Donc, sur les trois facettes de jeu, là, il y en a deux qui pourraient. On pourrait voir une victoire de Baltimore lundi soir, mais on va voir comment Lamar Jackson va amener cette équipe-là. Il est très jeune encore, Lamar Jackson. C'est oui. sa deuxième oui. saison comme partant. Donc, calmons-nous oui. les nerfs. Là, fait que, c'est... Moi, je l'ai oui. mis deuxième. Là, donc, j'ai hâte de voir. Dans les autres, donc ça, c'est fait. Là, est-ce que, bon, dans les autres matchs à surveiller, je regarde rapidement. Mon deuxième choix, ben, c'est Sunday night. Hein, entre Green Bay et Les Saints. Oui, tout à fait. Malheureusement, les deux premières semaines ont été un peu difficiles pour Drew Brees puis la troupe des Saints. Puis quand Drew Brees s'en vient en conférence de presse puis il dit, écoutez, vous avez rien vu encore puis on est capable de faire encore mieux, ça fait peur. Donc ça va être un gros match, mais moi je trouve que Green Bay c'est une des équipes. On avait fait un petit sondage rapidement sur Twitter là, quelle équipe vous surprend à 2-0. Dans la liste, j'avais mis Packers parce que justement, on ne s'attendait pas à un gros début de Aaron Rodgers avec les Green Bay Packers. Est-ce qu'il a été, me dirais-je, fouetté par Love, par le choix de Love? Oui, ben oui. Parce que lui, oui. On sait qu'il l'a pris quand même, il l'a pris personnel un peu. Là. Ben, je l'aurais pris moi-même. Puis en plus, s'ils réussissent, malgré tout, parce que fallait qu'ils... Moi, je reviens pas encore qu'ils l'ont pas aidé au niveau de l'attaque, là, dans le repêchage. Là. Il aurait pu avoir un bon receveur de passe au repêchage à place de mettre un corps futur sur les lignes de côté. Mais oui, il prend personnel et je suis content que l'équipe autour de lui répond puis ils vont l'amener. Mais le match va être en... Ben, je veux dire, je sais qu'il n'y a pas de spectateurs, mais il va être quand même à New Orleans. Drew Brees, ça va être un excellent match encore. Sauf qu'on ne sait pas si Michael Thomas, le receveur vedette, va être disponible pour ce match-là. Mais je pense que Drew Brees et les Saints vont prendre le dessus. Mais encore une fois, en prime time, un dimanche soir, un gros match à surveiller, oui. Effectivement. On va y aller avec le troisième match. Moi, j'ai Dallas contre Seattle. Oui, oui, parce que ça résume un peu ce qu'on vient de parler tantôt. Moi, mon troisième match, j'aimerais voir les Rams contre les Bills aussi. Okay. Deux équipes à 2-0, mais je vais revenir à ton match à toi, Dallas-Seattle. Oui, on va voir comment que les Cowboys vont répondre suite à leur remontée historique, spectaculaire. Encore, on voit que Mike McCarthy, avec le système de jeu, ses joueurs, on voit encore que c'est une équipe qui est très talentueuse individuellement, mais collectivement, ils ont de la difficulté à exécuter un plan de match, un système de jeu. Puis contre les Seahawks, les Seahawks, c'est Russell Wilson, puis ils ont une fiche 2-0. Sont à Seattle, mais oui, ça va être un autre match intéressant à voir parce que c'est juste pour confirmer, voir comment les Cowboys, si vraiment ils ont une fiche, comme tu dis, ils ont beaucoup d'attentes, on a beaucoup d'attentes envers les Cowboys, donc on va voir si après ce match-là, ils tombent à 1-2 ou 2-1. Ouais, c'est intéressant. D'autres bons matchs, les Raiders, il y a beaucoup de positifs du côté des Raiders. Ils sont contre les Pats. Ça, c'est intéressant aussi. Tampa Bay, Tom Brady, on entend moins parler. Hein? Moi, je dis au monde qu'arrêter de paniquer. Eux sont à Denver. Ça va être excellent aussi. Oui. Est-ce que tu aimes le nouveau stade des Raiders? Je l'ai même pas regardé le match, mais... Ah, tu l'as pas vu? OK, non, OK. Non. Mais c'est très noir et gris. C'est un beau stade. Ben, beaucoup. J'espère qu'ils l'ont payé, tu sais. Ouais, puis beaucoup hommage à Al Davis avec une flamme commémorative, là. Mais Vegas, les Raiders, 2-0, fiche de 2-0, puis ils ont marqué déjà 34, au moins 34 points, qui est très intéressant. John Gruden est très content à ce niveau-là. On s'attendait peut-être pas, mais oui. Puis au niveau des Patriots, je dois dire, en tout cas, Écoute, c'est l'équipe encore une fois qui c'est l'équipe de Louis qui est en défensive qui a perdu plus de joueurs aussi. les Patriots, oui, Oui, mais 8 joueurs. sont quand même forts. J'adore, c'est ça que je voulais dire, Danny, avec tous les haters qu'on a, ceux qui n'aiment pas les Patriots, donnons crédit aux entraîneurs, parce que quand il y a un joueur qui se blesse ou qui s'en va, un Tom Brady qui s'en va après 20 ans, puis un Cam Newton, là, vous pouvez pas me contredire puis dire que le système de jeu avec Cam Newton est excellent à voir chez les Patriots. C'est quand même impressionnant. Puis ça va être un autre beau match à surveiller. Cam Newton qui mène, il a déjà 4 touchés. On voit que le système est adapté en fonction de lui. Lui, quand il s'amuse, puis il a du plaisir là-dedans, Il était très motivé, tant si longtemps qu'il est en santé, il faut mettre les Patriots dans la course aux éliminatoires. là. Ah, regarde, tant que Bill Belichick, il va être là. Ah oui, puis C'est que dans le bonhomme, il... on C'est... dirait, Hein? mais on dirait qu'il n'y a pas de plaisir, mais je pense qu'en arrière de son uniforme tout coupé, Ah non, c'est... il adore qu'est-ce qu'il fait parce que c'est incroyable. C'est vraiment après un Bill Walsh, là, tu sais, je pense qu'on peut suivre qu'est-ce que Bill Belichick peut faire dans ses systèmes et ses façons de coacher, là. C'est incroyable. Il s'entoure bien. Tu vois qu'il y a beaucoup de contrôle parce que quand ses assistants vont ailleurs, c'est plus pareil. Fait que c'est très difficile dans n'importe quoi de suivre un système de jeu pour que tous tes joueurs, même ceux qui jouent sur le banc ou dans le practice squad, acceptent le rôle qu'ils ont à jouer. Puis ça, c'est le portrait magnifique, formidable pour une équipe de football. Fait que le bonhomme va être là, ça va être intéressant. Hey, Tony, je sais pas si je n'ai parlé avec Wallet, ben, j'ai fait la chronique que je m'en ai, je l'ai faite hier avec Wallet, donc, OK. mais je voulais te parler. Au moment où on a enregistré, on ne savait pas ce qui allait se passer avec le Pac-12 et le Mountain West. La Mountain West, c'est la division avec Boise State, avec également pas Californie, Boise State, Hawaii, t'as également Colorado, t'as Air Force, mais ça c'est moins important. Mais le Pac-12 qui va finalement jouer au football, on va avoir une saison, je sais pas sans rentrer dans les grands détails, là, Tony, on va avoir une Oui. saison encore potable pareil. Ah T'sais, ouais. oui, parce que là, on est rendu sur. Je vais vous le trouver tout de suite, là, rapidement. Là, je pense sur 12, c'est ça, 10 conférences. Ouais. Il y en a 8 ou 9. Là, donc, oui, 9 des 10 conférences seront de retour. Fait qu'il reste seulement le Mid-American. Donc, Qui est très très mineur comme équipe. puis, qu'est-ce qui est très intéressant, c'est sûr que là, les dernières conférences vont jouer comme 7-8 matchs, peut-être un ou deux matchs de moins que les autres qui ont débuté. Mais au moins, tout le monde va être éligible pour les éliminatoires. Fait Ouais, que, c'est ça. en fin de semaine, il va être des bons matchs. Je suis content. Il y a des gens, tu sais, je veux dire, moi, il y a des gens qui sont un peu frustrés avec tout ça, mais je pense qu'ils ont pris le temps avec les experts médicaux pour justement s'assurer que tout le monde est en santé, puis jusqu'à date, ça va bien. Fait que c'est le fun de voir du football, puis en fin de semaine, au niveau de la NCAA, ben on va voir même, moi, qu'est-ce que j'ai hâte de voir, là, c'est pas une chronique NCAA, mais j'ai hâte de voir LSU, parce qu'ils ont perdu de grands joueurs, puis Coach Orgeron, il pèse son coordonnateur offensif et défensif. Il n'est pas de retour. J'ai hâte de voir. Il a son talent sur le terrain, mais j'ai hâte de voir ça va être quoi l'effet de ne pas avoir les mêmes coordonnateurs sur le terrain. Donc, du bon football. Puis pour revenir à la NFL, là, ça va être un beau week-end parce que, comme j'ai dit, il y a presque 9 matchs à voir. Beaucoup d'équipes à 2-0. Donc, Ah ouais, c'est une très belle fin de semaine de football. ils vont se démarquer là. Après la troisième semaine, c'est là qu'on commence à voir un peu dans quelle direction qu'on va aller. Effectivement. Tony Guzzo, du site internet tabletsnfl.com, une des références du football au Québec. Un gros merci pour sa part. Merci, bon football. Tony Guzzo, du site internet tabletsnfl.com.